Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de cette soirée du 6 septembre 2016. Voici tout de suite les grands titres. Un jeune garçon, la vingtaine, habitant la zone Kamengué, s'est donné la mort ce mardi. Sa famille s'interroge toujours et deux corps sans vie ont été retrouvés ce matin flottant sur les eaux de la Roussizi du côté de la colline Roussiga, commune Rugombo de la province Chibitoke. Les 25 détenus de la prison centrale de Mimba ont été transférés dans les prisons de Rumonge et Gitega. Le directeur des affaires pénitentiaires nie le fait qu'ils auraient surtout ciblé les militants du MSD emprisonnés en 2014 et dit que le transfert est une activité de routine. Et le ministre de l'Énergie et des Mines en charge de la gestion du carburant réaffirme que ce produit est disponible au pays malgré les longues files d'attente observées devant les stations-service. Problème de commercialisation, a-t-il déclaré devant des pétroliers qu'il a réunis cet après-midi. Et dans la chronique santé à la fin de ce journal, nous parlons de l'accident vasculaire cérébral avec Dr Constantin Nyamuzangura. C'est une rediffusion. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonsoir, voici le développement de tous ces titres et d'autres nouvelles. Un jeune garçon habitant la zone Kamengué, au quartier Heha, la première avenue exactement, s'est donné la mort ce mardi matin. Les membres de sa famille disent qu'ils ne connaissent pas les mobiles de son suicide. Christella Nizigama a été là pour nous. Voici son reportage. Ce jeune garçon qui s'est donné la mort se nommait Michel. Âgé de 23 ans, il était un homme d'affaires. Comme l'indique l'un de ses voisins, ils ne connaissent pas le motif de son suicide. Ce jeune homme mort s'est suicidé. Il s'est réveillé vers 3 heures du matin et s'est assis à l'extérieur. Il m'a réveillé. Je lui ai demandé pourquoi il est assis à l'extérieur. Il m'a dit qu'il a manqué de sommeil, qu'il a passé une nuit blanche. J'ai regagné mon lit et par après, il m'a réveillé de nouveau et était bien habillé en pantalon et chemise. Il m'a demandé que je lui ouvre le portail afin qu'il aille à la mosquée pour voir ce dont il souffre. J'ai ouvert le portail et après 30 minutes, il est retourné et j'ai fermé le portail. Il est entré dans sa chambre et s'est suicidé. Je ne connais pas les causes de son suicide en ce qui concerne la famille ou le voisinage. Deux corps sans vie ont été retrouvés ce mardi matin flottant sur les eaux de la rivière Roussizi du côté de la colline Roussiga de la commune Rugombo en province de Chibitoke. Ils ont été aperçus en premier par des habitants qui se rendaient dans leur champ. Les deux corps déjà en décomposition sont respectivement d'un homme et d'une femme selon des sources de Chibitoke. Au niveau de l'administration et de la police, l'on indique ne pas avoir identifié les deux personnes tuées. Personne non plus n'a déclaré jusqu'ici avoir perdu une quelconque parenté. 25 détenus de la prison centrale de Mimba ont été transférés vers les prisons de Rumonge et Dogitega. Gervais Hajayandi, directeur général des affaires pénitentiaires, tranquillise les familles de ces prisonniers et dit que le transfert des prisonniers est un travail de routine. Suivez-le, il était au téléphone avec Évrard Claude Havzariman. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des prisonniers, 25 prisonniers qui ont été transférés hier. Et ils ont quitté la prison de Mimba, 15 vers la prison de Rumonge et 10 autres vers la prison de Gitega. Qu'est-ce qui a poussé la direction des prisons de Mimba à transférer ces prisonniers? Est-ce qu'ils se sont mal comportés dans leur cellule de détention? Non, le transfert, c'est un mouvement normal qui est d'être légal. Les transferts qui sont dits pour motif d'instruction judiciaire, et quand le ministère public est en train d'instruire un dossier, constate qu'il y a besoin qu'un groupe de détenus soit séparé de notre groupe de détenus, là, le ministère public peut demander que certains soient transférés dans une prison ou une autre. Pourquoi vous avez ciblé les militants du parti MSD? Non, pas du tout. Ce ne sont pas des militants du MSD qui sont ciblés. C'est des détenus au cours parce que là, il n'y a pas de militants du MSD transférés. C'est un mouvement normal que je viens de le dire. C'est pas pour. Ce sont des mouvements transférés qui ont toujours existé. Je crois que c'est très normal qu'il y ait des transferts dans des prisons. Donc, ce n'est pas pour les mouvements, les militants du mouvement MSD parce que son genre de catégorie, on n'en a pas dans les Est-ce que vous pouvez tranquilliser les familles de ces détenus? Ah oui, je peux tranquilliser les familles de ces détenus parce que, comme je viens de le dire, ce sont des mouvements très normaux qui se font habituellement dans le cadre de la gestion des prisons. Donc, qui ne s'inquiète pas pour les détenus, pour les membres de la famille, il n'y aura rien. Ce sont des mouvements normaux. Voilà, c'était le directeur en charge des affaires pénitentiaires, Gervais Hajayan, au téléphone avec Evra-Claude Havziarimana, stagiaire à notre station. Et deux personnes ont été arrêtées ce lundi à Bouvanza pour enquête sur le double meurtre commis dans la nuit de dimanche à lundi à Nyamavéré, en commune Manda. Le véhicule de Dogita Boussaleh est suspecté d'avoir été utilisé lors de l'assassinat de Niyorugira Amédé. Il était caissier communal à Manda. Et Boussoni Innocent, commerçant au marché de Moussigny, dans cette même commune de Manda. Isanganiro, la radio de l'avenir. Je vous l'avais dit, le carburant est disponible dans les stocks. Le problème réside dans sa commercialisation. Sinon, le manque de devises n'est pas non plus la cause de la pénurie de carburant observée ces jours-ci. Cela a été réaffirmé par le ministre de l'Énergie et des Mines, comme Manila Kiza, dans une réunion tenue ce mardi avec les importateurs des produits pétroliers. Grâce Niyonzima. Au cours de cette réunion, le ministre de l'Énergie et des Mines, comme Manila Kiza, a rappelé aux importateurs du pétrole de ne plus revenir sur la question des devises comme cause du manque du carburant. La situation aujourd'hui telle qu'elle est, la population a besoin de carburant. Vous êtes des importateurs, vous êtes là et vous avez des stations-service. Alors je voudrais aujourd'hui, dans cette réunion, sans toutefois évoquer ces questions-là en rapport avec le passé des devises. Là, je viens de vous le dire, je me mets à l'œuvre pour pouvoir déceler exactement la situation de chaque société. Malgré l'interdiction de transport de vente en bidon de ce produit, cette pratique reste une réalité dans pas mal de provinces. Celui qui a représenté la société Kobil dit que sa vente se fait même au regard des agents de sécurité. Je me rappelle à la dernière réunion qu'on a tenue avec les détaillants, c'était bien clair qu'il était interdit de vendre dans des bidons. Et cela jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ordre que nous avons reçu. C'est l'ordre que nous donnons à nos stations. Mais quand ils arrivent aux stations, des gens qui ont des bidons, ils ont l'autorisation du gouverneur. Et parfois même, les gouverneurs qui viennent disant « Voilà, j'ai donné l'autorisation, donnez donc aux gens des bidons. Nous allons le servir. » Mais l'utilisation d'après, on ne peut pas contrôler. Il y a un problème peut-être d'administration locale. Parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre comment est-ce que quelqu'un va acheter dans des bidons. Il y a des policiers partout, il y a donc tout l'ordre administratif. Le ministre a dit que la commission chargée d'étudier cette problématique du carburant, composée par le ministère de l'Énergie et Mines et le ministère des Finances, va être mise en place. Grâce Niyonzima, stagiaire. Et le prix du matériel scolaire en mairie de Bujumbura a monté par rapport à celui de l'année passée. Il a augmenté de 100 à 150 francs burundais par cahier. Et certains parents rencontrés en train d'acheter ce matériel de scolaire expliquent que cela est lié aux conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles. Yves Monziman. Ces parents rencontrés aux différents coins du centre-ville de la capitale Bujumbura, en train d'acheter le matériel scolaire, expliquent qu'ils sont dans la pauvreté, qui ne leur facilite pas d'envoyer leurs enfants à l'école. Les prix ont été rehaussés, car auparavant, un cahier de 100 feuilles coûtait 750 francs, et aujourd'hui, un stylo est à 400 francs, alors qu'avant, il était à 200 francs, voire même 250 francs. En fait, ces prix sont exorbitants. Pour certains, ils ont opté à serrer la ceinture afin que leurs enfants puissent aller à l'école, comme celui-ci l'affirme. Les matériaux scolaires deviennent de plus en plus chers, alors que nous sommes dans la misère. Mais nous ne pouvons pas laisser nos enfants à la maison. Nous pouvons serrer la ceinture afin que nos enfants aillent à l'école. Pour ce qui est de l'achat des uniformes, ce vendeur indique que les clients ne les achètent pas à cause de la montée des prix. On n'achète plus les uniformes parce que les prix de ces derniers ont augmenté. Nous pouvons étaler nos produits depuis 6h du matin jusqu'à 18h, mais pas de clients. En fait, on ne vend pas bien. En ce qui concerne les uniformes des écoles privées, il n'y a pas d'acheteurs. On nous dit que la plupart des élèves des écoles privées sont allés étudier en Ouganda et au Rwanda. uniforme de premier degré d'école primaire était à 6 000, maintenant il est à 7 000 francs. Deuxième degré est à 8 000 francs, tandis que l'uniforme de troisième degré est à 10 000 francs. À cause de la pauvreté qui s'observe, les clients n'achètent plus. Les uniformes d'école secondaire, un pantalon avec sa chemise est à 15 000 francs et une jupe avec sa chemise est à 12 à 13 000 francs selon les moyens des gens. Ses parents demandent au gouvernement burundais de faire le tout possible pour que la question liée au manque de devises soit résolue, qui est pour eux l'origine de la hausse des prix. Et puisque nous parlons éducation, les préparatifs pour la rentrée scolaire dans les écoles d'excellence sont en cours. Au lycée Ngagara, la rénovation des dortoirs pour accueillir de nouveaux élèves, surtout les filles, a commencé. Par contre, au lycée Saint-Marc, rien n'est en train d'être fait. Les autorités de cet établissement expliquent qu'il n'y a qu'une semaine qu'elles ont été informées de son nouveau statut de cette école. Alida Ndaiketsa. Comme l'avait annoncé le ministère de l'Éducation, les écoles d'excellence vont ouvrir leurs portes avec cette rentrée scolaire. Les préparatifs vont bon train, comme au lycée Ngagara, une des écoles d'excellence. Entre autres travaux, ils sont en train de faire des rénovations du dortoir, comme l'indique Tarsis Vendano-Kira, directeur de ce lycée. Nous sommes en train de préparer où ils vont loger, surtout le dortoir des filles, parce qu'ici, on loge seulement les garçons. Nous sommes entendus avec le ministère de l'Éducation. Ils nous ont promis quelques fonds pour transformer le dortoir des garçons pour avoir un dortoir des filles. On a prévu de faire deux classes de la 7e fondamentale, c'est-à-dire chaque classe, 30 élèves par classe. C'est-à-dire que ceux qui ont été orientés ici vont être orientés ailleurs. En outre, au lycée Saint-Marc, aucune activité n'est encore entreprise pour préparer la rentrée scolaire, comme le dit Victoire Boutoyi, directrice de cet établissement. Pour le moment, nous détenons seulement l'information que l'école va bientôt être traitée comme une école d'excellence. Donc, question des préparatifs, on n'a pas grand-chose pour le moment. L'école en soi n'avait pas de cycle inférieur. Nous n'avions que des élèves qui étaient orientés par le gouvernement à partir de la 3e scientifique. Nous n'avions d'ailleurs qu'une seule section. Avec la 7e d'excellence, nous attendons les orientations qui vont être effectuées par le ministère. Il y aura 6 écoles d'excellence au niveau national et les écoliers passeront le test d'entrée le 14 septembre. Merci Alida. Dans la suite de ce journal, un commerçant opérant en commune Gisagara de la province Tchankouzo accuse le gouverneur provincial de lui priver de son droit de commercialisation du sucre. Il dit qu'il a l'autorisation de s'approvisionner à la Sosumo, mais déplore le fait qu'il n'a jamais vendu de sucre depuis le mois de juillet. Il accuse ainsi le gouverneur de le malmener pour une simple raison. Il n'est pas membre du parti au pouvoir, ce que rejette Désiré Ndjidji, le gouverneur provincial de Tchankouzo. Le point avec notre correspondant à l'est du pays, Jean-Claude Chimirimana. Le commerçant Jonas Mogala, opérant à Rusigabangazi en zone Chamazi, commune Gisagara de la province de Tchankouzo, est celui qui accuse le gouverneur de la province de lui priver de son droit de commercialisation du sucre. Cet homme et de son nom figure sur la liste des commerçants grossistes de la province de Tchankouzo, autorisé par le ministère ayant le commerce dans ses attributions à s'approvisionner en sucre à la Sosumo, dit qu'il n'a jamais vendu du sucre comme les autres commerçants. En effet, il indique qu'il a échappé des mains des policiers en août dernier, mandaté par le gouverneur de la province de Tchankouzo à son domicile pour l'arrêter, après qu'il lui ait demandé à coup de fil la liste de commerçants détaillants qui devaient bénéficier du sucre qu'il venait d'acheter à la Sosumo. Il y poursuit en disant que quelques jours après, des policiers ont saisi tous les sacs de sucre qui se trouvaient à son domicile et d'autres qu'il avait déposés à Chamazi. Également, Jonas Mogala dit que c'est le gouverneur de la province de Tchankouzo qui a décidé que 5 tonnes de sucre du mois de juillet qu'il avait acheté à la Sosumo soient remis à d'autres commerçants grossistes. Ce commerçant Jonas Mogala indique qu'il est malmené dans ce commerce pour des raisons politiques puisqu'il est membre du FNL prend Agathon Rwasa. Cet avis est partagé avec Oscar Hatungimana, président du FNL prend Agathon Rwasa dans la province de Tchankouzo et tous ensemble, ils demandent que tous les Burundais puissent jouir des droits reconnus par la loi au même pied d'égalité sans que personne ne soit victime de son adhésion dans une formation politique autre que le parti parti au pouvoir. De son côté, Désiré Njiji, gouverneur de la province de Tchankouzo, indique que personne n'est victime de son appartenance politique dans cette province. Néanmoins, même s'il confirme que Jonas Mugala figure sur la liste de commerçants grossistes autorisés à s'approvisionner en sucre à la Sosimo, il indique qu'il s'est rebellé contre l'administration provinciale en refusant de participer à une réunion de la commission provinciale chargée de la commercialisation du sucre. Jean-Claude Nshimirimana, depuis Tchankouzo, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Et à Gitega, la boisson appelée Splina est toujours vendue dans des boutiques de cette ville. Le ministre du Commerce avait exigé l'arrêt de la fabrication ainsi que de la vente de cette boisson pour que des études puissent être menées et voir si ce produit n'est pas nuisible à la santé de la population. Le conseiller principal du gouverneur, quant à lui, a indiqué qu'ils sont en pleine campagne de retrait de ces produits dans des boutiques et que l'usine où elle est fabriquée a été fermée. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. À la une de l'actualité internationale au Gabon, alors que plus de 800 personnes ont été arrêtées dans la capitale durant les violences post-électorales, la France s'inquiète d'être sans nouvelles d'une quinzaine de ressortissants franco-gabonais. Après le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, lundi soir, ce matin, c'est Manuel Valls, le Premier ministre, qui s'en est inquiété des prisonniers accusés de troubles à l'ordre public et d'actes de vandalisme. Toujours au Gabon, le ministre de la Justice, Séraphin Mundunga, a annoncé ce lundi après-midi sa décision de démissionner, expliquant sur RFI vouloir bénéficier de sa totale liberté. Il s'agit de la première défection de haut niveau depuis le début des troubles mercredi dernier. Et nous avons appris que l'Union africaine enverra une délégation au Gabon en vue du règlement de la crise politique dans ce pays. L'annonce a été faite par son président en exercice, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno. La délégation de l'UA sera constituée de chefs d'État africains, de hauts responsables de la commission de l'organisation continentale et de représentants des Nations Unies, selon un communiqué du président du Tchad. Radio Isanganiro Chronique. Je l'avais annoncé dans les titres et dans la chronique santé ce mardi. Nous revenons sur l'accident vasculaire cérébral. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura nous explique que cet accident est la première cause de l'handicap acquis chez l'adulte. Suivez cette chronique préparée et présentée par Francine Niokugai. L'accident vasculaire cérébral est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il s'agit d'un accident qui survient soudainement chez une personne qui, au départ, était bien portante, mais se retrouve du coup paralysée. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura fait savoir qu'il existe deux gros mécanismes de survenue d'un accident vasculaire cérébral. L'AVC est un accident ou un déficit neurologique soudain qui survient chez quelqu'un ou un patient qui était normalement sans problème, qui est dû soit à un infarctus ou une ischémie, c'est-à-dire une artère ou un capillaire du cerveau qui est bouché, ou alors à une hémorragie d'une des artères cérébrales, c'est-à-dire quand une artère ou un capillaire du cerveau éclate et fait une hémorragie au niveau cérébral. La définition tient compte de son caractère soudain et brutal, parce que c'est vraiment un accident, ça survient chez quelqu'un qui était normalement sain, d'un moment à l'autre qui se retrouve avec un bras, une jambe ou une partie de l'hémiface du visage qui est paralysée. L'AVC survient sur des facteurs de risque. Et l'hypertension artérielle vient en premier. L'hypertension artérielle reste une grande maladie pourvoyeuse d'accidents vasculaires cérébraux. C'est les troubles du rythme au niveau cardiaque. Et là vient en premier ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, qui est en fait une arythmie cardiaque avec un rythme cardiaque très irrégulier. Les autres facteurs de risque, c'est l'alcoolisme. L'autre facteur de risque non modifiable, c'est l'âge. Il faut dire que l'âge augmente la rigidité au niveau des vaisseaux. Et il est très exceptionnel, voire très rare, de voir un enfant qui fait un accident vasculaire cérébral, sauf sur des cas d'accident vasculaire cérébral, disons secondaire, à une pathologie du cœur ou alors une tumeur, etc. Mais dans la majorité des cas, disons que les accidents vasculaires cérébraux surviennent à un âge assez avancé, vers 65-70 ans dans les pays développés. Mais dans notre contexte, il n'est pas rare de voir des patients d'une quarantaine, cinquantaine d'années qui font des accidents vasculaires cérébraux. Les autres facteurs de risque, disons moyens, c'est le diabète.